La dernière supernova, un roman de Éric Simon. Novembre 2027. Ils avaient commencé les entraînements en gravité martienne. Le fond de la piscine avait été configuré pour représenter la surface du sol martien avec des aspérités ainsi que la texture attendue. Un module de travail était disposé sur le côté gauche de la piscine, où avait été disposée toute une panoplie d'outils pour travailler la terre. Craig évoluait avec Jessica, avec leurs doublures respectives, Grant et Erin. Les combinaisons étaient lestées de telle manière à ce que la gravité plus faible de Mars soit reproduite exactement. On pesait 2,6 fois moins. C'était mieux qu'en apesanteur totale, mais les gestes étaient encore différents. Il fallait s'y habituer. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas retravaillé ensemble. Craig avait explosé de joie le jour où Frédéric Fournier lui apprit qu'il ferait partie du ME1. Mais il avait été très vite un peu déçu en voyant que Erin ne serait pas dans le même module, mais seulement dans le deuxième. Jessica était une très bonne collègue, mais Craig aurait tellement préféré marcher sur Mars avec Erin. La voir poser son pied pour accomplir son rêve d'être la première sur cet autre monde. Ça serait Jessica et ils ne se croiseraient là-haut que durant les quelques jours de recoupement de ME1 et ME2 avant leur retour. Craig se demandait parfois si Erin n'espérait pas secrètement que Jess tombe malade quelques jours avant le lancement. Il se disait que toutes les doublures devaient certainement un jour ou l'autre avoir des pensées un peu malsaines. Il essayait de se mettre à leur place et il en arrivait à la conclusion que lui-même aurait sans doute espéré de telles choses dans cette situation, juste pour partir dans la première mission. Les missions ultérieures devaient sans doute être moins sujettes à ce type de comportement psychologique, pensait-il. L'exercice se déroulait nominalement. Ils arrivaient assez facilement à déménager une vaste pièce pour repositionner les caisses dans une autre salle, puis refaire les mêmes manipulations en sens inverse. La feuille de route prévoyait ensuite qu'ils devaient ajuster des petites pièces métalliques dans des coffrets fabriqués pour l'occasion. Les quatre astronautes ne voyaient pas le temps passer. Ils avaient attendu 4 heures avant d'en arriver aux petites blagues. Ils avaient souvent besoin de décompresser en fin d'exercice et l'équipe de contrôle ne le reprochait pas. Erin s'adressa à Craig personnellement en coupant le micro pour les autres. Tiens, en parlant de mail, j'ai reçu un truc un peu bizarre hier soir. Faudra que je te montre ça après la séance. Ah ouais? Tu m'intrigues là. Moi aussi, j'ai reçu un mail bizarre. Bizarre, non? On l'a tous reçu ce truc? Marmonna Erin. On en parle tout à l'heure si tu veux. Tu peux remettre ton micro. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut dire par ce secret qu'on nous cacherait? T'as une idée, toi? Demanda Erin. Ah, je ne sais pas. Ce que je trouve étrange, c'est que les autres n'ont pas reçu ce message. Il n'y a que toi et moi, apparemment. Pourquoi nous et pas les autres? Et ce n'est pas un spam comme les autres, hein. D'ailleurs, ça ressemble pas à un spam, en fait. Cette femme veut juste nous rencontrer, on dirait, tenta Craig. Ouais, mais pourquoi? Tu penses que cette histoire de secret, ça serait juste pour nous attirer dans une sorte de piège? Qui sait, en tout cas, elle sait qu'on est en congé la semaine de Thanksgiving. Ouais, enfin, en même temps, c'était facile à deviner, ça. Tu sais, j'ai vérifié, cette nana est bien physicienne dans un labo en Italie, à Milan. Et dans quel domaine elle travaille exactement? Interrogea Craig. La détection des neutrinos dans la grosse expérience qui est installée au pôle sud. Ah ouais, Ice Cube. Mais quel rapport avec nous? Soupira Craig. Je n'aime pas ça. On prévient la hiérarchie, tu penses? Moi, je dirais non, hein. Et toi? Demanda le grand brun, dépité. J'aurais quand même bien envie d'en savoir plus. On pourrait peut-être aller voir, en restant évidemment très prudent. On a toujours notre escorte de toute façon. Mais c'est pareil, il faudrait faire en sorte qu'il ne soit pas au courant de ce rendez-vous, tant qu'à faire. Ouais, alors si tu y vas, j'y vais aussi. renchérit Erin, qui sentait poindre une petite excitation face à l'inconnu et le potentiel de découvrir un secret que les autres ne connaîtraient pas. Tu vas chez tes parents pour Thanksgiving ? Eh oui, avec tous mes frères cette année. Je retourne dans mon cher Minnesota et c'est là que je l'ai, j'adore ! Ouais, moi aussi, direction New Jersey pour moi. Ce que je te propose, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, c'est qu'on lui fixe rendez-vous là où on est en vacances. T'en dis quoi ? Ah bah, j'en dis que si elle vient jusqu'à War Road, ça veut dire que c'est du sérieux, parce que personne n'a envie de venir à War Road fin novembre. Eh hey, mais attends, tu sais quoi ? Pour être sûr que c'est bien cette scientifique qui nous a écrit et pas un usurpateur qui aurait utilisé son email, ce que je te propose, c'est qu'on lui réponde indirectement et de manière subtile, proposa Erin. J'ai vu sur le site de son institut de recherche qu'elle encadre une étudiante. L'un de nous envoie sa réponse à cette jeune en lui demandant de transmettre à sa directrice de thèse, et l'autre envoie sa réponse directement à l'adresse de cette Christina Voldoni, mais on lui propose de se voir le même jour vers la même heure. Comme ça, on verra ce qu'elle répond à l'un et à l'autre. Si les deux réponses ne sont pas cohérentes, en gros, si elle dit OK pour l'un et s'il n'y a pas de réponse ou une réponse d'incompréhension via le canal de l'étudiante, eh ben, ça voudra dire qu'on a reçu un mail hacké qui veut nous tendre un piège. Futé, dis-moi, excellent. Et tu as suivi des cours d'agent secrète avant de candidater chez Galactix ? Répondit Craig, stupéfait par la répartie de sa collègue. Si c'était le cas, je ne te le dirais probablement pas, hein. Et puis, si ce n'était pas le cas, non plus. Souriait Erin, pas mécontente de sa réponse. Ok, je vois. Bon, je vais échafauder des théories, alors. Entre-temps, il faut que tu me trouves ce que c'est que ce secret que nous cache Galactix, et tu as 2 semaines. Salut, Tom! Excellente nouvelle, sa mort. Je viens de recevoir pas plus tard qu'hier une réponse de Craig March. Il se montre très intéressé et m'invite à venir dans le New Jersey la veille de Thanksgiving, le 24. J'aurais même pas droit au reste de dinde. Pff, c'est ballot. Et rien du côté de Erin Ronstadt ? Non, encore rien. Mais bon, il reste encore 1 semaine et demie, hein. On va lui laisser le temps. Au pire, je ferai une relance quelques jours avant la semaine de congé. Tes gars contrôlent toujours le passage des mails ? Oui, pour ces 2 adresses uniquement. Et sinon, comment vont tes neutrinos ? Demanda Hooper avec un air réellement intéressé. Oh bah ça va bien, Laura est bien arrivée sur zone et va nous récupérer encore plein de données. Elle va essayer d'affiner la mesure de vitesse du vent de pulsar par l'analyse de nouvelles données de flux. Avec un suivi sur une plus longue période, on peut ajuster les courbes avec une plus grande précision. Mais je ne t'apprends rien. Oh, tu sais, j'ai oublié plein de trucs hein, depuis le temps. On devrait pouvoir arriver à une incertitude de quelques jours sur la date d'arrivée sur Terre, en prenant en compte l'incertitude qui est inhérente à la mesure de la distance. Mais celle-là, elle est assez faible maintenant. C'est surtout la date d'arrivée sur Mars, ou même sur la trajectoire du vaisseau ME1, qu'il faudrait faire le calcul. Hein. Oh, mais il y a moins d'un jour d'écart, hein. Même moins d'une heure entre Mars et la Terre. Mais bon, on n'aura jamais une précision inférieure à 24 heures dans notre prédiction. Après, il faudra attendre le signal de New Horizons. Ah ouais, c'est vrai, la sonde va détecter la bouffée quelques minutes avant. Tu me l'avais pourtant dit, mais j'ai complètement oublié ça. Combien de temps avant, en fait ? La nouvelle valeur de la date d'arrivée d'après nos données va justement permettre de connaître plus précisément quelle sera la distance de la sonde à ce moment-là, et donc l'écart temporel qu'on doit attendre. Mais c'est de l'ordre de 37 à 38 minutes, avec un trajet du signal radio de l'ordre de 28 minutes. On saura 10 minutes avant, nous. Ouais, manquerait plus que ça tombe le 31 décembre 29 vers minuit. Il faudrait peut-être dire aux responsables des grandes villes du Nord de ne pas investir dans des feux d'artifice pour la nouvelle année, hein, tu crois pas ? Ouah, je suis pas sûr que les aurores se voient bien en ville quand même. Pas faux, comme le reste. Pour notre bonhomme, il va falloir te préparer un peu. Je vais organiser les choses pour faire remplacer son escorte. Lui ne saura évidemment pas que je l'aurai remplacé, donc peut-être qu'il cherchera à s'en méfier pour ne pas attirer l'attention de votre rendez-vous. Il faudra lui expliquer que tu n'es pas toute seule et qu'on a une certaine organisation. Malheureusement, ça risque de lui faire un peu peur au début, mais bon, en lui expliquant d'entrée de jeu le rôle des escortes de Galactix, tu entres doucement dans le sujet des informations cachées, et ensuite tu pourras dérouler. Tu le sens bien ? Ouais, ça ira, ne t'inquiète pas. From laura.capelli@infn.it to christina.voldoni@infn.it. Subject, reply, Galactix hiding secrets to their astronauts. Sent, 19 novembre 2027. Bonjour Christina, je te transfère ce mail que j'ai reçu. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ça. Tu ne leur avais pas dit de me répondre à moi pourtant. C'est très bizarre. C'est l'astronaute Erin Ronstadt qui répond à l'hameçonnage. Mais pourquoi à moi ? Bref, un mystère de plus. Concernant les nouvelles évaluations de vitesse, on gagne pas mal en précision. Je te le donne en 1000, entre le 24 et le 26 décembre. Joyeux Noël ! Laura. Mail d'origine. Bonjour Madame Voldoni, j'ai été très sensible à ce que vous m'aviez révélé. Je vous propose que nous nous rencontrions à l'occasion de mes congés dans ma famille dans le Minnesota, si cela vous irait. Je vous propose le 24 novembre après-midi, et vous pourriez rester pour la fête de Thanksgiving le lendemain si vous le souhaitez. Cordialement, Erin Ronstadt.